Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. De l'incarnation du Christ, suite. Ses actions et ses souffrances. Explication. Nous verrons, en premier lieu, ce qui se rattache à l'entrée du Christ en ce monde, secondement, ce qui tient au développement de sa vie terrestre, troisièmement, ce qui concerne sa sortie du siècle présent, quatrièmement, ce qui se rapporte à son exaltation après cette vie. Ce qui se rattache à l'entrée du Christ en ce monde comprend sa conception, sa naissance, sa circoncision, son baptême. Pour la conception, nous examinons ce qui concerne la mère qui le conçoit, le mode de sa conception, la perfection de l'enfant conçu. De la conception du Christ nous passons à sa naissance, à sa circoncision, à son baptême. Après avoir étudié l'entrée du Christ dans ce monde, il convient de considérer le genre de vie qu'il a embrassé, sa tentation, sa prédication, et ses miracles. Question 27. Sanctification de la Vierge Marie. Sanctification de Marie, grâce dont elle a été comblée, on établit qu'elle n'a jamais commis aucun péché. 1. La Bienheureuse Vierge a-t-elle été sanctifiée avant sa naissance? Oui, car l'Église célèbre la fête de sa nativité. Il est très conforme à la raison de croire que celle qui a engendré le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, a reçu de la grâce des privilèges plus grands que ceux des autres saints. L'ange nous le fait entendre en lui disant, « Je vous salue, pleine de grâce. » Luc 1, 28. Or nous voyons dans l'Écriture que Jérémie 1, 5 et Jean-Baptiste Luc 1, 15, ont reçu le privilège d'être sanctifiés dans le sein de leur mère. Note. Il convient de rappeler ici ce décret du pape Pie IX, relativement à l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres Pierre et Paul et de la nôtre, nous déclarons. Nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, en vertu d'une grâce et d'un privilège spécial, accordée par le Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tache du péché originel, et révélée de Dieu, et que, par conséquent, elle doit être crue fermement et inviolablement par tous les fidèles. Saint Thomas, qui vivait dans un temps où l'Immaculée Conception n'était point un dogme de foi, s'efforce, dans les trois premiers articles de cette question, de prouver que la Sainte Vierge a encouru la tache du péché originel, et qu'elle en a été purifiée avant sa naissance, comme Jean-Baptiste et Jérémie. Fidèles à notre programme, nous avons dû analyser cette question avec la même exactitude que les autres, afin de montrer sur quel fondement était appuyée l'opinion contraire à l'Immaculée Conception. On verra sans peine que toutes les raisons apportées par notre saint docteur tombent devant ce seul mot. Marie a été préservée de toute tâche originelle, en vertu d'une grâce spéciale accordée en vue des mérites de Jésus-Christ. Préservée de la tâche originelle, la Sainte Vierge n'a pas eu besoin de la sanctification dont on parle. La question n'est pas posée d'assez haut. Marie, comme le déclare Saint Thomas lui-même, a dû recevoir des privilèges plus grands que ceux d'aucun autre saint. Or, si elle eût été simplement sanctifiée dans le sein de sa mère, rien en cela ne l'aurait distinguée de Jean-Baptiste et de Jérémie. Ici, La conclusion ne répond pas aux prémices, il était bien plus naturel de tirer cette conséquence, donc Marie a été préservée du péché originel et conçue sans péché. Nous ne serions pas surpris que, comme on l'a prétendu, le texte de saint Thomas n'ait été falsifié dans toute cette question, où l'on ne retrouve pas sa logique habituelle. Il est certain qu'il n'a pas mis la dernière main à cette troisième partie de la somme théologique, qui n'a paru qu'assez longtemps après sa mort, aussi n'en trouve-t-on que de rares manuscrits, tandis que ceux de la deuxième partie et surtout de la première abondent. Il est également certain qu'il a professé la doctrine de l'Immaculée Conception dans son commentaire sur l'Épître aux Galates, leçon 5, où, s'exprimant comme le Concile de Trente, il dit « On accepte la Vierge très digne de louange, la très pure Marie, qui fut exempte du péché originel et du péché actuel. » Fin de la note. 2. La bienheureuse Vierge a-t-elle été sanctifiée avant d'être animée? La sanctification de Marie ne se conçoit pas avant son animation, elle n'est que la purification du péché originel, laquelle ne saurait provenir que de l'infusion de la grâce dans une âme raisonnable. De plus, si la bienheureuse Vierge avait été sanctifiée avant d'avoir une âme, elle n'aurait pas encouru la tâche originelle, et elle n'aurait pas profité de la rédemption et du salut opéré par le Christ, dont il est dit, « Il sauvera son peuple de ses péchés », Matthieu 1, 21. Note. Pétition de principe. On suppose que Marie a encouru la tâche originelle. Fin de la note. Saint Paul déclare aussi que le Sauveur de tous les hommes n'est autre que le Christ. 1 Timothée 4. Prétendre le contraire, c'est le contredire. Note. La bienheureuse Vierge n'a été sanctifiée ni avant ni après son animation. Dès le premier instant de sa conception, elle a été préservée du péché originel par la grâce du Christ lui-même. La rédemption lui a été utile, non pour la purifier du péché originel, mais pour l'en exempter, de sorte qu'elle aussi a pu dire au Verbe incarné dans son sein, « Vous êtes mon Sauveur ». Dire que Marie n'a pas contracté la tâche du péché originel, ce serait rabaisser la dignité du Christ, qui est le Sauveur de tous les hommes sans exception. Le dogme de l'Immaculée Conception rehausse, au contraire, la dignité du Christ. Marie a été sauvée par lui, puisqu'elle a été préservée du péché originel en vue de ses mérites. Fallait-il moins de puissance pour la préserver d'une souillure que pour l'en purifier? Quoi qu'il en soit, la fête de la Conception, tolérée par l'Église romaine, ne doit pas être totalement blâmée, elle est plutôt la fête de sa sanctification. On le voit, la fête de l'Immaculée Conception était célébrée au XIIIe siècle. Saint Thomas n'ose la blâmer, il se contente d'en interpréter le but. Fin de la note. 3. Le germe de la concupiscence a-t-il existé dans la bienheureuse Vierge? Il est écrit, « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tâche en vous. » Cantique 4, 7. Les opinions sont partagées sur la survivance de ce germe. Quelques docteurs ont enseigné que la sanctification de la bienheureuse Vierge le détruisit totalement. D'autres ont prétendu le contraire. Il est certain que s'il survécut en elle, il fut lié et mis dans l'impossibilité de lui nuire, tant par la surabondance de sa grâce que par le soin tout spécial avec lequel la Providence éloigna de ses sens toute impression désordonnée. Note. Après le décret de Pie IX, il n'y a plus lieu à poser cette question. Préservée du péché originel, la bienheureuse Vierge n'eut à subir en aucune façon le germe de la concupiscence. Telle était Adam avant son péché, telle elle fut par le privilège de son immaculée conception. Fin de la note. 4. La bienheureuse Vierge a-t-elle été préservée de tout péché actuel? Saint Augustin disait, quand il s'agit du péché, je ne veux pas, pour l'honneur du Christ, qu'il soit question de la bienheureuse Vierge. Choisie pour être la mère de Dieu, la Vierge Marie a dû être digne de remplir cette fonction. Elle ne l'aurait pas été, si jamais elle eut péché. Outre que le déshonneur des parents rejaillit sur les enfants, il est écrit, « La sagesse n'habitera point dans un corps soumis au péché. » Sagesse 1, 4. Il faut dès lors reconnaître que la Vierge Marie n'a commis aucun péché actuel, ni mortel, ni véniel, et qu'elle réalise ses paroles, « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, il n'y a point de tache en vous. » Cantique 4, 7. Note. Encore un article d'où l'auteur ne tire pas la conclusion qui ressort naturellement des raisons alléguées, à savoir, l'Immaculée Conception de Marie. Fin de la note. 5. La bienheureuse Vierge a-t-elle reçu la plénitude de toutes les grâces? Saint Jérôme, expliquant cette parole, « Vous êtes pleine de grâce », disait, « La grâce a été donnée aux autres avec mesure, Marie en a reçu toute la plénitude. » Le Christ est, comme Dieu, l'auteur de la grâce, et, comme homme, l'instrument. Plus rapproché de lui que nulle autre créature, la bienheureuse Vierge, dont il a reçu la nature humaine, a dû évidemment en recevoir une grâce supérieure à celle de toutes les autres créatures. Note. Il serait étrange que celle qu'il a renfermée dans son sein, et qui a répandu en quelque sorte la source de la grâce sur les hommes en le donnant au monde, n'eût pas reçu elle-même une plénitude de grâce qui la rapproche merveilleusement de l'auteur même de la grâce. Fin de la note. 6. Cette sanctification est-elle le propre de la Sainte Vierge? Il y a deux autres personnes qui ont été sanctifiées dans le sein de leur mère, ce sont, le prophète Jérémie, à qui Dieu adressa cette parole, « Je vous ai sanctifié avant votre naissance. » 1, 5. Et Jean-Baptiste, dont l'ange avait dit, « L'Esprit Saint le remplira dès le sein de sa mère. » Luc 1, 15. Note. Quoi qu'il en soit, la bienheureuse Vierge, choisie pour être la mère de Dieu, a obtenu une grâce de sanctification plus grande que Saint Jean et Jérémie. Choisie seulement pour figurer à l'avance d'une manière spéciale la sanctification qui devait être opérée par le Christ. On voit que saint Thomas entrevoyait la vérité, il n'avait qu'un pas à faire pour y arriver. Il résulte pour ainsi dire de son exposition même que Marie a été conçue sans péché. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.